L'expédition de Hamra al-Assad. Le prophète alayhi salatu wassalam, de son côté, consacra la nuit à réfléchir sur la situation. Il craignait que les idolâtres ne pensent à revenir en arrière et à faire route vers Médine après qu'ils eurent réalisé qu'ils n'avaient pas profité de leur victoire. Il était en effet possible que, pris de regret, ils se décident à envahir Médine. C'est pourquoi il fut déterminé à aller à la poursuite de l'armée mécoise. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam lança-t-il un appel, le dimanche matin, le lendemain du jour d'Uhud, afin de marcher à la rencontre de l'ennemi. Il dit « Personne ne participera à cette expédition, hormis ceux qui ont déjà combattu à Uhud. » Abdullah ibn Ubay dit « J'irai avec vous. » Mais le prophète alayhi salatu wassalam refusa. Les musulmans répondirent à son appel, bien qu'ils fussent en proie à des douleurs profondes et à une grande anxiété. Jabir ibn Abdillah implora le prophète alayhi salatu wassalam de le laisser venir, arguant qu'il avait le désir d'assister à toutes les batailles dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam se trouverait engagé. Il n'était pas sorti pour Uhud car son père avait souhaité qu'il restât à Médine pour s'occuper de ses sœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam accepta sa requête et il put rejoindre le rang des combattants. Les musulmans progressèrent jusqu'à un endroit dénommé Hamra al-Assad, environ 15 kilomètres de Médine, où ils établirent leur campement. C'est là que Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et embrassa l'islam. Certains dirent qu'il était demeuré en fait dans l'idolâtrie et qu'il voulut seulement donner des conseils au prophète alayhi salatu wassalam par simple fidélité à un pacte conclu entre les Khuza'a, sa tribu, et les Banu Hashim. Il dit « Ô Muhammad, par Allah, nous regrettons beaucoup ce qui vous est arrivé, à toi et à tes compagnons. Nous aurions souhaité qu'Allah vous préservât. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui suggéra d'aller trouver Abu Sufyan afin de l'inciter à abandonner ses mauvais desseins. Les craintes du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quant à un possible retour des mécréants se révélèrent tout à fait fondées. Car à peine les polythéistes eurent-ils levé le camp à Ar-Rawha, un emplacement situé à environ 50 kilomètres de Médine, qu'ils se mirent à s'adresser mutuellement des reproches. Certains dirent ainsi à leurs compagnons « Vous n'avez rien fait. Vous les avez brisés, mais vous les avez laissés repartir. Il y a encore parmi eux des hommes de valeur qui parviendront probablement à rassembler des combattants contre vous. Allons donc les anéantir une bonne fois pour toutes. » Il s'agissait, semble-t-il, d'une décision prise à la hâte par des gens à l'esprit superficiel qui évaluaient mal la puissance potentielle et le moral des deux parties. Et c'est pourquoi un éminent responsable Quraishite, Safwan ibn Umayya, essaya de les dissuader de se lancer dans une telle aventure en disant « Ô gens, ne faites pas cela. Je crains qu'ils, c'est-à-dire le prophète, ne rassemblent ceux qui sont restés à l'arrière et qui n'ont pas participé à la bataille. Retournez chez vous comme des vainqueurs, car je redoute, si vous engagez une nouvelle bataille, que les choses ne tournent à votre désavantage. » En dépit de ces solides arguments, la plupart des négateurs furent enclins à se lancer dans cette expédition pleine d'incertitudes. Ma'bad ibn Abi Ma'bad arriva entre-temps et il s'efforça d'exagérer le danger qui les guettait afin de contrecarrer leur plan. Il dit « Muhammad vient à votre rencontre à la tête d'un grand nombre de guerriers et je n'ai jamais rien vu de comparable par le passé. Il a rassemblé tous ceux qui n'avaient pas participé à la bataille d'Uhud. Ils regrettent ce qu'ils ont manqué et veulent se rattraper. Leurs cœurs sont nourris de haine et de ressentiment. » Abu Sofiane dit « Malheur à toi, que dis-tu là ?» Il dit « Par Allah, à peine quitteras-tu ta place que les crinières des chevaux poindront ou que l'avant-garde de l'armée de Muhammad apparaîtra de derrière cette colline. » Abu Sofiane dit « Par Allah, nous avons décidé d'anéantir les forces des musulmans. » L'homme lui conseilla de ne rien en faire. C'est à ce moment que la détermination et les fermes résolutions des Mécois vacillèrent et qu'ils furent saisis de panique. Ils jugèrent que le plus sûr était de continuer leur retour vers la Mecque, et ils décidèrent de lancer une propagande hostile visant à dissuader les musulmans de les poursuivre. Une caravane appartenant à Abd Qais vint à passer, se dirigeant vers Médine. Abu Sufyan, dans ce contexte, demanda au caravanier de porter un message à Muhammad, disant que les Mécois étaient décidés à l'attaquer pour l'exterminer lui et ses compagnons. En retour, Abu Sufyan promit de donner aux gens de la caravane une charge de chameaux de raisin sec au forum de Rokaz. Le message fut communiqué au prophète, alayhi salatu wassalam, à Hamra al-Assad, mais les paroles d'Abu Sufyan ne firent qu'augmenter la foi des musulmans. Allah dit, selon le sens du verset, « Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela accrut leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Sourate 3, versets 173-174. Le dimanche 8 de Shawwal de l'an 3 de l'Hégire, ils arrivèrent à Hamra al-Assad. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, y resta jusqu'au mercredi 11 du même mois, puis il revint à Médine. Entre-temps, il arrêta Abu Azza al-Jumahi. Cet homme avait été capturé à Badr, mais en raison de sa pauvreté et de sa nombreuse famille, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'avait gracié et relâché à la condition qu'il ne combatte plus les musulmans. Mais Abu Azza n'avait pas tenu sa promesse, prenant part aux côtés des polythéistes aux hostilités d'Uhud. Une fois encore, il implora le pardon de Muhammad, alayhi salatu wassalam, mais le prophète, sallallahu alayhi wassalam, lui répondit qu'un croyant ne devait pas tomber deux fois dans le même piège. Il méritait donc la sentence de mort prononcée contre lui et qui fut exécutée par Az-Zubayr, ou selon une autre version, par Asim ibn Thabit. Un espion mécois dénommé Muawiya ibn al-Mughira ibn Abil As fut également condamné à mort et exécuté. Il était le grand-père de Abd al-Malik ibn Marwan du côté maternel. Lorsque les associateurs mécois quittèrent Uhud, Muawiya se réfugia chez Othman ibn Affan, lequel demanda sa protection à l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui la lui accorda à condition de ne pas demeurer à Médine plus de trois jours, sous peine d'être exécuté passé ce délai. Mais il ne respecta pas ce sursis, et quand l'armée musulmane quitta Médine, il resta là plus longtemps afin d'espionner pour le compte de Quraysh. Et quand l'armée du prophète, alayhi salatu wassalam, fut de retour, il s'enfuit de Médine. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, envoya à sa poursuite Zayd ibn Haritha et Ammar ibn Yasir en leur précisant le lieu où le trouver. Ils le rattrapèrent et le tuèrent. Sans nul doute, l'expédition de Hamra al-Assad est un événement à relier à la bataille d'Uhud, puisqu'il en est une conséquence directe. Nous avons donc ainsi exposé et détaillé les différents aspects de la bataille d'Uhud. Elle a été longuement commentée par les savants et les chercheurs. Est-ce ou non une défaite? Il ne fait aucun doute que pendant la seconde phase de la bataille, la supériorité militaire fut du côté des polythéistes qui orientèrent le déroulement des combats et infligèrent de lourdes pertes aux musulmans. De l'aveu général, une partie des croyants a pris la fuite, mais il y a des éléments qui laissent à penser qu'il ne faut pas considérer cela comme une victoire pour les Mécois. L'armée mécoise n'est pas parvenue à occuper le camp des musulmans. La majorité des combattants de l'armée médinoise, en dépit du chaos et de la confusion, n'a pas pris la fuite. Au contraire, elle fit preuve d'une résistance héroïque sans égale et parvint à se rassembler autour de son quartier général, combattant bravement. Les musulmans ne laissèrent pas l'occasion aux Mécois de les poursuivre. En outre, ces derniers ne prirent ni butin ni prisonniers de guerre. Ils furent trop faibles et hésitants pour mener à bien la troisième phase de la bataille et profiter de leur supériorité sur le champ de bataille où ils ne demeurèrent pas un jour ou plus comme le voulait alors la tradition des vainqueurs. Au contraire, ils désertèrent les lieux avant les musulmans. Médine elle-même, la capitale des musulmans, n'était qu'à une portée de pierre des lignes ennemies, très exposée et vulnérable, et cependant, les négateurs ne furent pas suffisamment audacieux pour aller la piller ou prendre des captifs. Ces détails confirment que la bataille d'Uhud fut une occasion unique que les mécréants utilisèrent pour infliger de lourdes pertes aux musulmans. Mais ils ne réussirent pas pour autant à atteindre leur objectif, qui était d'anéantir l'armée musulmane grâce à leurs manœuvres d'encerclement. Bien des armées ont essuyé de telles pertes, mais la bataille d'Uhud n'a aucunement constitué une victoire pour le camp des associateurs. L'incident de Hamra al-Assad est intéressant à cet égard. C'est un curieux spectacle, en effet, que de voir une armée victorieuse battre en retraite par crainte de la disgrâce et de la défaite. L'expédition d'Uhud fut une bataille au cours de laquelle chacun des deux camps obtint sa part de succès et d'échec avant de renoncer à un engagement supplémentaire, mais sans fuir le champ de bataille. En ce sens, cette bataille ne fut pas décisive et il n'y eut pas de vainqueur. Dans ce contexte, Allah dit, selon le sens du verset, ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Sourate 4, verset 104. Les deux parties mirent un terme aux opérations militaires et revinrent chez eux, ni victorieux, ni vaincus. Le Coran parle de la bataille d'Uhud. Des versets coraniques révélés aux fins de faire la lumière sur les phases les plus décisives de la bataille nous fournissent sans ambiguïté l'explication des pertes sévères subies par les musulmans et mettent en évidence les faiblesses qui apparaissent chez les croyants quant à leur devoir dans de telles situations décisives, mais aussi quant à la réalisation des objectifs nobles pour lesquels a été suscitée la communauté islamique, la meilleure communauté qui soit. Le Coran parle aussi des hypocrites, munafiqoun, et dévoile l'hostilité et la haine qu'ils nourrissaient à l'encontre d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Les paroles d'Allah effacèrent toutes les ambiguïtés et insinuations susurrées par les hypocrites et leurs alliés les juifs, auteurs de plusieurs complots et intrigues qui visaient à fourvoyer les cœurs des plus faibles parmi les musulmans. Le Coran a également indiqué les enseignements et les objectifs louables procédant de la bataille d'Uhud. Ainsi, 60 versets en ont donné un compte-rendu complet, commençant par la première phase de la confrontation. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Lorsqu'un matin, tu, Muhammad, quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Sourate 3, verset 121, selon le sens du verset. Et s'achevant par un commentaire exhaustif sur ses aboutissements et ses leçons. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Sourate 3, verset 179, selon le sens du verset. Les leçons à tirer de cette bataille. Ibn al-Qayyim s'est amplement étendu sur ce sujet. Quant à Ibn Hajar, il a souligné dans Fath al-Bari la chose suivante. Les savants ont dit « L'événement d'Uhud et les malheurs qui ont touché les musulmans au cours de cette bataille renferment beaucoup de leçons et de sagesse divine. » Notamment concernant les conséquences fâcheuses de la désobéissance, qui consistait ici en la négligence par les archers du commandement explicite que leur avait adressé le prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'ils ont abandonné la position qu'ils étaient censés défendre jusqu'au bout. En d'autres termes, le succès des musulmans dépend de leur obéissance au prophète sallallahu alayhi wasallam. Une autre signification de cette confrontation et qu'il est de coutume que les envoyés d'Allah soient éprouvés lors de leur mission de différentes manières, cependant, la victoire ultime leur revient. S'ils gagnaient sans cesse, un grand nombre d'hypocrites rallieraient les rangs des croyants, et la ligne de démarcation entre les croyants sincères et les hypocrites tendrait par conséquent à s'estomper. Et inversement, si les croyants étaient sans cesse vaincus, les prophètes seraient condamnés à l'échec dans leur apostolat. Il est donc sage que victoires et défaites s'entremêlent afin que l'écume des hypocrites ne recouvre pas le rocher de la vraie foi. Après la bataille d'Uhud, les hypocrites se montrèrent au grand jour, en parole comme en action. Les musulmans prirent ainsi pleinement conscience de leur présence parasitaire qui auparavant les minaient secrètement. Ils adoptèrent des mesures appropriées et se méfièrent des hypocrites. Un troisième enseignement qui ressort de ce contexte est le renvoi à plus tard de la victoire dans certains domaines pour que les croyants apprennent à dompter leur âme, éliminant de cette façon toute tendance orgueilleuse. Ainsi, lorsqu'Allah les a éprouvés, ils se montrèrent endurants, alors que les hypocrites s'inquiétèrent. Les épreuves sont envoyées aussi pour que les croyants méritent les degrés qu'Allah a préparés à leur attention dans le paradis et qu'ils ne peuvent atteindre par leurs seules œuvres. Ainsi, les épreuves leur permettent de les atteindre. Cette bataille met en relief également le fait que le martyr constitue l'un des degrés les plus élevés qu'Allah accorde à ses alliés. C'est pourquoi il le donna aux croyants le jour d'Uhud. Dernier enseignement, Allah a voulu que ses ennemis périssent. Il a donc mis en œuvre les causes de leur perte, la négation, l'injustice et le mal infligé par eux à ses alliés. Les croyants furent purifiés et les négateurs anéantis.